الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله جل وعلا في هذه الكلمات المختصة ببيان الفرق الضالة. On continue notre série de محاضرات sur les sectes en islam. Et aujourd'hui, فمع فرقة ضالة وهي الصوفية. ونسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والسداد. Donc aujourd'hui l'étude, بإختصار, en résumé, de cette secte égarée, الصوفية, أي le soufisme. أولا, et comme on a l'habitude de procéder quand on étudie ces sectes, أصل تسميتهم ونشأتهم, أي le mot صوفي أو الصوفية. فمن أين جاء؟ D'où vient ce mot؟ Et كذلك نشأتهم أي un bref aperçu historique de ce groupe. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى اسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى الصفاء وغير ذلك. Donc الصوفية الصحيح كما بينا الإمام المحقق ابن تيمية رحمة الله عليه أن اسم الصوفية vient du nom الصوف. الصوف en arabe c'est la laine. هذا الاسم مشتق من الصوف. لماذا؟ لأنهم c'est un vêtement qui portait. C'est un vêtement qui montre الزهد. Aïe, pour eux, c'est un vêtement qui montrait la piété. Et celui qui s'habille avec souf, ça montrait sa modestie et ça montrait qu'il n'était pas attaché à Dunya. Fahaoula, il portait beaucoup ce genre de vêtements, souf. Fahasumu bi soufiya, ils les ont appelés soufiya. Hada huwa sahih. Et wa'aduhum dhakara wa'ad al-aqwal al-ukhra, lakin alladhi yadhhar. ما اختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال كذلك رحمه الله كما في الفتاوى وأما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. Il est apparu après القرون الثلاثة أي les trois premiers siècles عصر التابعين ثم من جاء بعدهم ثم أتباع التابعين ceux qui sont venus après eux. Les ulama, ils appellent ces trois siècles Al-Qurun Al-Mufaddala. Limadha li'anna atna 'alayha Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum kama fi as-sahih. Donc ce nom, cette appellation, elle est apparue après les trois premiers siècles de l'islam. Qala Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi fi kitabihi an-nafi' Talbis Iblis كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد. C'est des noms qui sont venus, c'est des appellations plutôt qui sont venues après. À l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, tout ce qui était lié à l'adoration, au bon comportement, au bien, ففي القرآن والسنة on a هذه الألفاظ الإيمان والإسلام والتقوى إلى آخره. ثم حدث اسم زاهد وعابد. Et pour ceux qui faisaient beaucoup d'efforts في العبادة, ces appellations, ils ont commencé à être propagées. زاهد وعابد. زاهد, ça vient du mot زهد. Ils traduisent par l'ascétisme, la piété. Et العابد, ça vient du mot عبادة. أي واحد كي مجتهد في العبادة. قال ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة Tafarradu biha wa akhlaq takhallaqu biha. À cette période, il n'y avait pas encore le groupe des soufis. Lakin, certaines personnes, elles ont commencé à faire des choses que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais ordonné de faire, wa hakada, ses compagnons, radiyallahu anhum. Wa ba'dhum, ils faisaient tellement d'efforts, annahum, ils ne dormaient plus la nuit. Et ba'dhum, ils mangeaient très peu. Et ba'dhum, ils ne se mariaient plus. Hada, ça a été le premier bab ouvert. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وجعله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك. À cette époque au départ, c'était عبادة عن اجتهاد في التعبد والزهد. Certaines personnes, elle faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration et beaucoup d'efforts pour délaisser le dunya. Au départ, ils ont délaissé des choses qu'ils n'avaient pas à délaisser. Et c'est un début d'exagération. ثم قال رحمه الله أي شيخ الإسلام. On fait une parenthèse هنا. La parole de Ibn al-Jawzi رحمه الله عليه elle est طيبة في تلبيس إبليس. Al-Haqiqa, elle a cité un historique tayyib, en résumé de ce groupe. Donc suivez les étapes. Au départ, certaines personnes, elles ont commencé à faire des efforts et à délaisser certaines choses autorisées pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de manger à sa faim, comme le fait de se marier, comme le fait de dormir ila akhir. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح. هؤلاء même si ils ont fait des choses et ils ont contredit الصحابة رضي الله عنهم dans certains points, لكن في باب المعتقد dans la croyance et dans le fait d'aimer la vérité, dans le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à la jad, ils étaient à la sawab. Lakin, certaines choses qu'ils ont faites, كانت منتقدة فيها نظر. قال مع ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم. On peut citer Ibrahim ibn Adham, rahmatullah alayhi, et d'autres, أنهم, ils faisaient beaucoup d'efforts في العبادة. Et مع هذا ولله الحمد ذات على عقيدة أهل السنة. ثم قال ابن الجوزي رحمة الله عليه وعلى هذا كان أوائل القوم. في الحقيقة قوله أوائل القوم. Ne pas comprendre أن إبراهيم ابن أدهم والفضيل ابن عياض وهؤلاء الفضلاء. لا شك أنهم n'étaient pas معصوم. العصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ne pas comprendre que ces gens, même s'ils ont fait certaines erreurs, ولا شك انهم ils ont fait des erreurs, ne pas comprendre انهم c'était des soufis, انهم c'était des égarés. ولا même si as-soufiyya الان dans leurs kutub ils citent des tabaqat, tabaqat as-soufiyya, اي leur premier mashayikh c'était qui ثم الى اخره, et كثيرا ils citent Ibrahim ibn Adham au départ والفضيل et autres. Et ça, c'est pas ça. Et ça, c'est du makra de leur part. Haoula, al-akhiyar, ils étaient à la aqidati salaf. Et ils aimaient le haq. Et ils voulaient le haq. Et même s'ils se sont trompés dans certaines choses, falhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. Les ma'adali, anna leur niya, elle était bonne. Et ils n'ont pas contredit les fondements de la sunna. Fantabihu li hada. Qala, falabbas alayhim iblis. في أشياء ثم لبس على بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن التالي فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. هكذا petit à petit. Ça nous montre que les مخالفات au départ. الحقيقة ça peut être une chose. عند بعض الناس c'est pas grave. Et تأملوا l'égarement de الخوارج. Et on l'a étudié والله الحمد dans notre série de cours sur les sectes. L'égarement de Al-Mu'tazila. Ils ont été au départ de Majlis Al-Hassan. Rahmatullah alayhi. Al-Khawarij, au départ, ils n'étaient pas d'accord avec certaines choses. Ils étaient à l'aqidat tayyiba dans beaucoup de choses. Thumma, hakad al-inhiraf. Une bid'a, l'emmène une autre bid'a. Une autre mukhalafa, l'emmène une autre mukhalafa. Hatta, comme a dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah, tamakkana minhum, al-shaytan. Aïe, al-shaytan, il les a égarés à un égarement wadih. Wa satasma'ouna, ba'd al-aqwal. Wa ba'd aqa'id ha'oula. Certaines choses que vous allez entendre, mais tawfiqillahi azza wa jalla, dans ce dars, au départ, tu auras du mal à croire, alors que c'est écrit dans leur livre. Et inshallah, on va citer avec les références. L'insan, il fait attention à l'bida, il fait attention au shor dès le départ. Préserve ton nafs et accroche-toi au Coran et à la sunna, wahdhar al-mukhalafat. Fais attention de ne pas délaisser sa ville. Al-mu'minin al-awwalin, les compagnons du prophète alayhim as-salatu wassalam, ils étaient ahras minna. Madalan, ceux qui sont venus après eux et qui ont commencé à délaisser le mariage, ne plus manger dans certains cas alors qu'ils pouvaient, ne plus dormir. As-sahaba radiyallahu anhum, ils étaient ahras minhum, ils se mariaient, ils faisaient du commerce, ils mangeaient quand ils pouvaient, walillahil hamd. Et bien sûr, ils avaient des limites, le juste milieu. Amma, vouloir faire plus que haoula, c'est un bœuf d'égarement. وقال رحمة الله عليه. On continue la parole d'Ibn al-Jawzi. وكان أصل تلبيسه عليهم. Ce livre, il est mufid جدا. تلبيس إبليس. Et c'est sur الصوفية. التلبيس, on dit فلان لبس عن فلان. Et فلان, il a trompé فلان. يلبس عليه. Il lui fait croire une chose que c'est la vérité alors que c'est le faux. Et ce livre, il l'appelle Telbis Iblis. Et comment Iblis, Al-Shaytan, Al-Rajim, il trompe les gens. Et la plupart du livre, c'est sur Sofiya, comment il les a trompés. فَمِنْ تَلْبِيسِهِ قَالَ أَنَّهُ صَدَّهُمْ عَنِ الْعِلْمِ وَأَرَاهُمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْعَمَلِ. Ça, c'est la première étape pour toutes les sectes. أَنَّهُ عَدُوُ اللَّهِ il les écarte du ilm. تَأَمَّلْ l'égarement de l'Khawarij. Comment ils se sont égarés au départ? يَعْتَزَلُوا الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Ils sont partis dans cet endroit qui s'appelait Haroura. Hatta sahaba, ils les ont appelés Al-Haruriya. Et ils ne se mélangeaient plus aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Nahnu rijal wa hum rijal, ils disaient. On est des hommes, c'est des hommes. Ils ont un avis, on a un avis. Et ils se sont égarés. Dhalalam ba'ida. Hatta ba'd al-ulama kaffarouhum. Yamruquna min ad-din, kama yamruqu sahm min ar-ramiya. Ta'amma l'égarement de Al-Mu'tazila. I'tazalu majlis al-Hassan. Al-Hassan, c'était une des références à l'époque, rahmatullah alayhi, fil Basra, en Irak. Il avait un majlis, une assise au majlis, et ils ont commencé à lui faire le hadr et ne plus le fréquenter, alors que c'était ses élèves. Et on a étudié ensemble, Al-Mu'tazila, ce que c'est devenu quelques années après. Ta'ammalu ha'oula, nafs al-shay, saddahum anil ilm. Ils ont commencé à délaisser l'ilm. Ils ont commencé à se concentrer fil ibadah kathiran. Beaucoup de siyam, ils dorment plus, ils se marient plus, et ils pensent qu'à l'ibada. قال فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. Quand il a éteint les lumières de l'ilm, Iblis, il leur a éteint les lumières de la science, et il les a éloignés du ilm, ils étaient dans l'obscurité. فتخبطوا. حتى ceux qui sont venus après, ils se sont égarés encore plus. حتى c'est venu l'époque de Ibn Arabi plutôt. Et Ibn al-Farid, Ibn al-Sub'in, al-Sha'rani, et tous ceux-là, et ha'oula, ils sont akfar min al-Yahoud ou al-Nasara. N'ai aucun doute fi hada, comme ça t'asma. La base et la source et le début de l'égarement, c'était quoi? Annahum, ils ont délaissé l'ilm. Et nahnu nastafid une fa'ida azima, anna, on n'est pas à l'abri. L'égarement, c'est pas que pour les soufis, c'est pas que pour le mu'tazila, c'est pas que pour le khawarij. L'égarement, c'est celui qui s'écarte du ilm. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون, c'est ceux qui se sont écartés du ilm. وعلى رأسهم النصارى. النصارى, quand ils se sont écartés de leur livre et du ilm, يدن بالله, ils ont prétendu أن الله il a un enfant et ils se sont égarés. ضلالا بعيدا. قال ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطوات وصنفوا في ذلك. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف. Il cite les étapes. Année après année, siècle après siècle. قال فهذبوا مذهب التصوف وأفرضوه بصفات ميزوه بها. ثم une période, أي des années après هؤلاء au départ, qui ont commencé à faire certaines choses, ثم un siècle, deux siècles après, c'est devenu un groupe avec des livres, avec une voix, avec des mashayikh. قال وأفرضوه بصفات ميزوه بها بالسماع والرقص والتصفيق ثم زال الأمر. Ils se sont égarés en adorant Allah subhanahu wa ta'ala avec le sama', avec la musique, avec le raqs, en dansant, ila akhir. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم ما زال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ثم تشبعت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم. هكذا بدعة أبقى بدعة حتى عيدا بالله التصوف se mélangeait avec علم الكلام. الحارث المحاسبي et d'autres, ils sont rentrés في هذا المذهب, ils ont mélangé ce madhab avec علم الكلام, avec la philosophie. ثم جاء أبو حامد الغزالي et il était connu pour la philosophie et d'autres, et عيدن بالله, ça a donné un groupe qui a été fondé, عيدن بالله, des fondements de zanadiqa, de kufr, de mécréance claire. قال فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع. إبليس تمكن منهم, لماذا؟ لأنهم ils ont éteint cette lumière qui te permet de connaître le haqq, بإذن الله عز وجل, العلم. يا العلم c'est quoi? C'est قال الله, قال الرسول, قال الصحابة, هم ils ont éteint هذا. حتى قال بعضهم حدثني ربي عن قلبي. Ils n'ont plus besoin de ilm, ils prenaient l'ilm directement, ça venait directement dans leur cœur. Et كانوا يطعنون في علماء الحديث, ils disaient أنتم vous prenez l'ilm عن أموات, فلان عن فلان عن فلان, أي les أسانيد des أحاديث, c'est des morts. فلان il a rapporté عن فلان, عن الصحابي, عن الرسول عليه الصلاة والسلام, ils sont morts. Ils disaient نحن نبقى عن الحي directement. من تلبس إبليس حتى كما قال رحمة الله عليه ابن الجوزي يخبطهم بفنون البدع. دي بدع dans tous les domaines. حتى ils se sont égarés في باب الإيمان بالله جل وعلا. قال رحمه الله فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أو لم يذمه أحد وقد ذم التصوف على ما سيأتي ذكره. نبقى se faire tromper هنا, même à notre époque, كثير من الناس, ils appellent التصوف الزهد, en français la spiritualité. فلهذا حتى بعض الكفار, ils sont pas dérangés par التصوف, par الصوفية. Pour eux c'est la spiritualité, pour eux c'est un travail du cœur, إلى آخره. فيحبون هذا, بل ils le propagent. Il y a une énorme différence. الزهد c'est محمود. Et الزهد كما عرفه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى, c'est ترك ما لا ينفع في الآخرة. C'est ça الزهد, c'est délaisser les choses qui sont inutiles pour l'آخرة. Mais ce que tu as besoin, manger, boire, te marier, adorer Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, et l'آخرة, هذا c'est من الزهد, ça ne contredit pas الزهد. Il y a une énorme différence. الزهد الشرعي bien sûr, il est fondé sur le Coran et le Sunna, et c'est que du khair. التصوف كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى, vous allez voir que c'est un madhhab khatir jiddan. Intaha kalam Ibn al-Jawzi bi-ikhtisar, on a résumé. Ama son kalam il est plus long. Faraji'u fi talbis iblis. Thumma nadhkur ba'da dhalik ru'us at-tasawuf. Ay leurs imams, leurs guides. Amma al-ubad al-awa'il, on répète mitla Ibrahim ibn Adham al-Fudayl ibn Iyad ila akhri, fa laysu bi-sufiyya. Amma من جاء بعدهم ف il y a eu plusieurs étapes comme a ذكر ابن الجوز. On peut citer deux madrasa, deux écoles. La première المدرسة الأولى مدرسة الجنيد شيخ الطائفة من تلاميذ الحارث المحاسبي. الإمام أحمد رحمة الله عليه لم ينقع جدا contre الحارث المحاسبي. فالجنيد c'était un de ses élèves. Et à cette époque, il y avait pas encore l'égarement vie الإيمان بالله عز وجل والحلول والاتحاد والزندقة. Et la mécréance claire, là, à cette époque, c'était des choses, ils contredisaient le Coran ou le Sunna dans beaucoup de choses. Thumma, on peut citer كذلك من المتأثرين بهذه المدرسة سهل ابن عبد الله التستري وابو سليمان الداراني وغيرهم. ثم المدرسة الثانية هم الذين أخذوا عن الفلاسفة والزنادقة وتأثروا بعلم الكلام مدرسة الحلاج. Vous vous rappelez Al-Hallaj, on avait fait une kalima fi al-Rad ala al-Munharif Islam ibn Ahmed, et kana yutni ala hadha al-Hallaj, et on avait cité certains de ses égarements. Ajma' al-ulama fi zamanihi annahu c'est un zindiq, un mujrim, un kafir, wa qutil wa lillahi al-hamd. Et كذلك Abu Hamid al-Ghazali, sahib Ihya Ulum al-Din, et ce kitab il est mali bil khurafat wa bil dhalal, wa ibn al-Farid, wa ibn Arabi al-Zindiq, wa ibn al-Sub'in, wa ghayrihim. Et dans cette kalima, on va citer les fondements de Ha'oula. La première madrasa, ce n'est pas le but de notre kalima. Et les soufis qui sont présents là-bas, ils sont à la tariqa d'Ibn Arabi. Les soufis là-bas, les turcs, que ce soit Tijaniya, ou Al-Qadiriya, ou Al-Naqshbandiya, et toutes ces confréries, c'est des voies du soufisme. Ha'oula, kulluhum, iyadan billah, ils sont على هذه الطريقة تأثروا بهم جدا. أما بعض العوام تأثروا بالصوفية أي dans certains points ولا يعلمون من عقائد هؤلاء. إن شاء الله نسيغا دنبه عن هذا avant la fin. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس عن داود ابن الصبيح قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي الإمام يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية فقال رحمه الله لا تقرب من هؤلاء فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم إلى الزندقة. Ça c'est à l'époque de Abdurrahman ibn Mahdi. Pour te situer, il était à l'époque de l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. À son époque, ils ont commencé à s'égarer jiddan. فقال احذر من هؤلاء. لا تقرب من هؤلاء. لا تبخش pas de هؤلاء. ثم il a démontré أن بعضهم leur أقوال, leur مذهب, leur croyance c'est de la folie, c'est le جنون. Et بعضهم زندقة. الزندقة, selon l'emploiera souvent, c'est الكفر. الزندير, c'est celui qui fait apparaître l'islam et في الحقيقة sa croyance c'est du كفر. مثل رؤوس الصوفية الضلال ابن عربي وغيره. Après cette bref historique, et tu as un aperçu min hayth at-tarikh de as-soufiya, et tu connais certains de leurs imams, de leurs guides, on cite certains fondements que haoula ils ont khalif, et des bases de l'islam que as-soufiya ad-dullal ils ont contredit bi kulli wudouh. Le premier fondement, tawhid ar-rububiyya, إلحاد واضح في كتبهم. قال عبد العزيز الدباغ, كأنه ينطق هكذا الدباغ, من الصوفية المتأخرين. Il est mort il y a quelques années. كما نقل تلميذه أحمد ابن مبارك في الإبريز. Donc هذا الصوفي قال رأيت وليا بلغ مقاما عظيما وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات والسماوات. فتأمل هذا الكلام. السد أن هذا الولي سولي pour eux c'est un modèle, c'est un exemple, أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة, أي il voit tout, il connaît tout, المخلوقات عيادا بالله, أي les créatures. قال والأراضين وكرة العالم بأسرها تستمد منه عيادا بالله. الآن سكي كان في الحقيقة سي الخالق. Ils ont donné أوصاف الربوية à leurs أولياء. C'est du mensonge. Leurs أولياء c'est des ضعفاء. لكن يعتقدون هذا يزوست عقيدة عيدا بالله. لبس عليهم إبليس قال ويسمع أصواتها إلى طنطو تسكي في الكون ويشاهد إيفوع إيكونتو عيدا بالله. قال أصواتها في لحظة واحدة يمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه. À chaque fois qu'une créature a besoin de quelque chose, فهذا الولي il lui donne. عيدا بالله. قال ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن ذلك. Tout ça, toutes ces créatures, des milliards d'êtres humains, des milliards d'animaux, il a آخره, tout ça, il donne à chacun ce qu'il a besoin et ça lui prend aucun temps. عيدا بالله. قال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء. Ça, c'est min awsaf al-Rabb subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارَ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. Mushrik Quraysh, al-Kuffar, que le prophète alayhi salatu wa salam, il a combattu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur récitait ce verset, قُلْ أَيَّا مُحَمَّدْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Et dit au kuffar de son époque, qui c'est qui donne, qui c'est qui donne la vie, qui donne la mort, qui c'est qui donne le risque, il a arrêté, ils diront Allah. Ils reconnaissaient hada. Hum, ils prenaient leurs idoles comme shufa'a, comme wasa'it, baynahum wa bayna Allah. Et, iyadan billah, ils ne sont pas rentrés dans l'islam à cause de cela. C'est du shirk fil ibadah. Amma ha'oula, iyadan billah, isma' al-shirk al-wadih, la mécréance claire, fi tawhid al-rububiyya. Wa dhakara sahib, al-mashri'u al-rawi. أن الشيخ عبد الله أبا عباد سأل علوي ابن الفقيه عمن ظهر من المكاشفات بعد موت والده. هذا الرجل إلى demandé à son شيخ en son vie عبد الله أبا عباد après la mort de son père qu'est-ce que Allah سبحانه وتعالى lui a donné من المكاشفات. هاي des choses qui sont réservées aux أولياء. فقال ظهر لي ثلاث. J'ai eu trois choses. أحيي وأميت بإذن الله. أي الخبيث. Il a prétendu أنه il donne la vie et il donne la mort بإذن الله. وأقول للشيء كن فيكون. وأعرف ما سيكون. Ça c'est من صفات الله عز وجل. أي quand il veut une chose, il dit كن فيكون. أي c'est un créateur. وأعرف ما سيكون. Il connaît l'invisible. Il connaît tout ce qui va se passer. وجاء فقال أو قبل ذلك نعم فقال عبد الله بعباد أي l'élève qui a demandé à son شيخ quand il a entendu son شيخ dire هذا قال نرجو فيك أكثر من هذا. أي نحن on espère plus, on sait que tu peux faire plus. عيدا بالله زندقة وكفر. والله هذا الكلام لو يسمعه يهودي أو نصراني ربما ينكره. هم ils ont exagéré, c'est des kuffar. Et ربما ينكر هذا. Comment tu prétends qu'un homme il va faire ça? Sallallahu alayhi wa sallam. وجاء في كتاب تذكير الناس بكلام أحمد بن حسن العطاس عن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى أنه لما وصل إلى مليبر سينفيل دخل على الحبيب علوي بن سهل فرأى في بيته تصاوير طيور وديكة وغيرها. Cet homme, il est rentré عند هذا الشيخ et il a vu sur le mur des représentations d'animaux, des oiseaux, des coqs, il a arrêté. فقال يا فلان أو يا مولانا إن جدكم صلى الله عليه وسلم يقول. هؤلاء كثيرا ils prétendent qu'ils font partie de la descendance du prophète عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم يكذب بهذا. Ça c'est pour égarer الناس. لأن العامي quand il entend que واحد il fait partie de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام ففطرته أنه il le respecte ويحبه لقرابته بالنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يكذب في هذا. Et même si on قدر que c'est vrai, faire partie de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام c'est utile, c'est l'insan, c'est un mu'min et il suit le droit chemin. أما si c'est un kafir et il suit le mauvais chemin, c'est aucune aide pour lui. فإلى ستة حديث وبروفيت عليه الصلاة والسلام في تحريم التصوير الصور. قال عليه الصلاة والسلام يكلف الله صاحب التصاوير يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. الحديث وما هو بنافخ. الحديث اللي في الصحيحين تقدم معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. دونك إلى ستة حديث à son cheikh pour lui montrer que Comment tu mets des photos et... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations d'êtres humains, d'animaux. Faqala lahu al-habib. Alaoui, le shir, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ad shay ghayr hada. Et est-ce que tu as autre chose? Faqala la. Il lui a dit là. Ouais, là, il l'a conseillé là, sur les photos, sur les représentations. Faqala فنفخ الحبيب علوي تلك التصاوير فإذا الديك تصرخ والطيور تغرد أو تغرد أصوات الطير فتأملوا لقاهم عيدا بالله أن الشيخ quand il a entendu هذا il a insufflé l'âme à ses représentations et c'est devenu des êtres vivants, des animaux, des coqs et des oiseaux dans la pièce. خرافات عيدا بالله. هذا c'est du shirk akbar. Kuffar Quraysh, ils ont pas fait had shirk. Ils faisaient des représentations et jamais ils ont prétendu annahum ils leur ont donné la vie ou ils donnaient la mort. Qala fa nafakha al habib ala wa tilka at tasawir. Intaha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumit. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Fa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hadhihi al awsaf. الإحياء والإماتة أن الله سلوكي دان لفي سلوكي دان لمو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سمين أوصاف الرب الله سبحانه وتعالى لزاسيته في القرآن هؤلاء يبخطون ك leur guide يبسد ses attributs عيدا بالله. وفي عصرنا هذا صرح الجفري الخبيث الضال volontairement on a cité certaines paroles de الجفري pour faire le lien entre صوفية هذا الزمان et ceux qui étaient avant. Il y en a ces histoires un, qu'on a citées de leurs livres, certaines elles datent d'il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles. Rabbam Wahid yaqul la sauvia d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Al-Jafri, il l'appelle Al-Habib Al-Jafri, c'est un khabit, un dal, min ru'us sauvia à notre époque, qala hunak min al-awliya man fawwadhahum Allah fi idarati al-kawn وأن عندهم إذن مسبق في التصرف وأنه بإمكانهم الرزق والإحياء والإمادة. Il a prétendu أن الله عز وجل فوض بعض الأولياء et il a donné ce pouvoir à certains ولي أنهم ils peuvent diriger le كون, cet univers. Ils peuvent donner la vie, ils peuvent donner la mort, ils peuvent donner le risque, la subsistance à certaines personnes. كفر والشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الكلام سبي صوته il est propagé sur internet et celui qui veut le retrouver c'est très très simple. ومن انحرافات الصوفية الاتحاد ووحدة الوجود. الاتحاد c'est prétendre que Allah سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقول الظالمون أن الله سبحانه وتعالى il est dans telle personne أو dans tel مخلوق. وحدة الوجود c'est que il y a aucune différence entre خالق et le مخلوق. Il y a aucune différence entre le créateur et la créature. Et tout est Allah. Il y a plus de créateur créature. الصوفية الضلال ils ont هذا المعتقد. C'est pour ça que min aqidatihim anna Allah il est partout. لماذا لأن pour eux tout est Allah عز وجل. قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين فمن عرف الحق أي الله. Celui qui connaît Allah عز وجل رآه في كل شيء. Il le verra dans tout. قال إذ كل شيء هو منه وإليه وبه وله فهو الكل على الحقيقة. هذا معتقدهم. اي الله سي تو اي تو اي الله. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, عيادا بالله سي الله عز وجل. وقال الزنديق ابن عربي في الفصوص, الى ان ليبر الفصوص عيادا بالله سي دو كفر واضح. ان العارف من يرى الحق اي الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. تامل قوله عين كل شيء. Al-Ain, c'est une chose. Enfin, Allah, c'est toute chose. Tout ce que tu vois, min al-tayyibat wal-khaba'ith, fa'inda ha'ula, c'est Ar-Rab, subhanah. Wa fi kitab al-Luma' li-Tawsi, C'est un autre zindiq, min zanadiqat al-soufiyya. قال كان أبو الحسين النوري إذا سمع أذان المؤذن طغته وشم الموت عيادا بالله. Quand il entendait l'adhan, فكأنه إلى المغير. Ça lui faisait beaucoup de mal. هؤلاء c'est des شياطين. هؤلاء ils détestaient l'islam et combattaient l'islam. لكن ils ont propagé leur mal, leur شر, leur égarement باسم الإسلام. فاغتر كثير من الناس بهؤلاء. Et vu que al-kuffar déteste l'islam min yahoud wa nazara, fa min zamanin qadim, et ils utilisent haoula az-zanadiqa as-sufiyya pour faire du mal aux muslimin. Fa ça c'était son hal quand il entendait l'adhan. Qal wa idha sami'a nibah al-kilab qal labbayk labbayk. Quand il entendait un chien aboyer, il disait labbayk labbayk. Al-muslim il dit labbayk labbayk Allah comme fi al-hajj. Labbayk, et si tu réponds à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amrana bil hajj. Enfin, quand on fait le hajj, on dit labbayk Allahumma labbayk. Et on répond ya Rabb. Et on essaye d'être sincère, de faire des efforts. Huwa il disait hada quand il entendait un chien aboyer. Limada? Li anna indahum ma min shay'in sa Allah. Hatta al kilab iyadan billah. Kufrun wa zandaqa. Wa qala al shaykh imdadullah al muhajir al makki. أحد الصوفية في كتابه الشمائم إمدادية التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عينه différencier entre العبد أي l'être humain مثلا et المعبود celui qui mérite l'adoration et Allah pour lui c'était ça الشرك فلهذا ils expliquent هم قول الله عز وجل قل هو الله أحد أي أن الله il est unique. نحن le comprend هكذا. Allah il est unique dans Rububiyya, dans ses noms, dans ses attributs, dans l'adoration. هم لا ils ont compris il n'y a aucune différence. Les créatures et le créateur ils forment que un. Celui qui différencie il dit qu'il y a un créateur, une créature, il a fait du shirk. قال الله عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. المسلم il accepte هذا أن الإله إله واحد. أما هؤلاء عيادا بالله أصحاب وحدة الوجود فجعلوا الموجود المخلوق يا أوكين ديفيرونس افيك المعبود الخالق سبحانه وتعالى. وتقدم معنا دون لا كلمة كنا في سور الحلاج ردا على إسلام ابن أحمد أن الحلاج كان يقول الزنديق ما في الجبة إلا الله. هو يلوذز بكل صراحة ما في الجبة أو تحت الجبة إلا الله. Al-Jubba, c'est un vêtement. Et sous ce vêtement, c'est Allah. Il parlait de lui. Al-Khabith. Wa Abu Yazid, un autre soufi, kana yaqul subhani ma a'zam sha'ni. Vu que hadhihi al-aqida taghalghalat fi qulubihim. Et c'est devenu leur mu'taqad. Ils avaient une conviction. Fi hada, kana yaqul subhani. Il faisait le tasbih sur lui-même. Nous, on dit subhanallah. On est des musulmans, wa lillahi al-hamd. Huwa yadhi subhani ma a'zam sha'ni. أما المسلم يعتقد أن العظيم سأله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه فأما طريقة الصوفية فطريق بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر. والصدق رحمه الله. يسسون إيقارين إيقارمون واضح. في الحقيقة ست إيقارمون. Al-Bashar, on ne parle même pas d'un musulman, un croyant, là, un être humain, aqil, il ne peut pas accepter ces choses. Ou min inhirafihim, et c'est le troisième point, al-sihr wa al-sha'wada, la sorcellerie. Ha'oula, ma'roufoun, bi al-sihr, qadiman wa hadithan, à l'époque, et kadalik, actuellement, al-soufiya, ma nazalu fi balad illa wa antashara fihi al-sihr. Al-Soufiya, quand ils sont dans un endroit, dans un pays, dans une ville, la sorcellerie, elle se propage directement. Wa fi kitab al-hikma fi al-talab ou al-hikma fi al-tib wal-rahma al-mansoub zouran ila al-Suyuti. Un tambih huna anna hadha al-kitab il est imprimé ila akhiri wa yunsab ila al-Suyuti rahmatullah alayhi. Et hadha c'est du kadib. C'est min makra al-Soufiya. الصيوطي لا jamais écrit هذا الكتاب بل هذا الكتاب لصوفي من الصوفية الضلال. فقال صاحب الكتاب وهو يتكلم عن علاج العين Dans ce livre, il parle comment soigner al-ayn. Qala man akhadha basaruhu wa usiba bil bayad, et celui qui a un problème à l'œil. Qala fa alayhi an ya'khudh dam al-hayd min imra'atin shab lam yankihuha ahad wa an yukhalitahu ma'a al-mani wa yukahhil bihi 'aynahu. Ayyadan billah. Hadha c'est du sihr. Sha'wada. Ça c'est des khurafat. Dam hayd, du sang des monstres d'une femme qui n'a jamais été mariée, avec mani ar-rajul, et ayyadan billah, il le met sur son œil. Hadhihi al-khurafat kathira. On ne va pas en citer autre que cette parole. لماذا لأن هذا هذا كلام قبيح وكذلك الوقت للضيق وإلا هذا كثير عند الصوفية beaucoup et مساكين العوام بعضهم quand ils vont voir هؤلاء الكهان السحرة من الصوفية ils leur disent des عجائب. Vous devez prendre tel animal, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais rencontré ça, vous le mélangez avec ça, il a akhari. Khurafat, tout ça pour l'amwal. As-souviya, foudinou, par beaucoup de choses. Wa min ahadhi l'umour al-mal. Ayyadan billah, ils ont délaissé leur din pour l'amwal. Al-awam, plutôt l'an, ils ont un husnu dhan bi ba'di ha'oula. Rubama, il est capable de donner des grosses sommes pour se soigner. Al-ami, rubama son sabr, il est qalil, et quand il est touché par une maladie, lui ou un de ses proches, il est prêt à donner de l'argent, et il pense que c'est une méthode. Fal-wajib alayna zi at-tahdhir min ha'oula, wa bayan hal ha'oula, et étudier madhhab al-qawm, et étudier tawhid wal-iman, wa al-mu'taqad al-sahih, pour pouvoir répondre à ha'oula. Qala al-allama Abu Bakr al-Tartushi rahmatullah alayhi min a'immati al-malikiyya, مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا الكتاب وسنة الرسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من تفسير القرطبي مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة إلى résumé المذهب en quelques mots. بطالة c'est fondé sur le batil, sur les mensonges, sur la mécréance. جهالة c'est fondé sur l'ignorance. ضلالة c'est fondé sur l'égarement. ومن انحرافهم كذلك الشرك في العبادة وهذا كذلك منتشر في الصوفية on l'a détaillé كثيرا dans notre étude ولله الحمد du توحيد فالصوفية ils sont connus أنهم يدعون الأموات ils invoquent les morts من دون الله عز وجل والسادة سيدي فلان والسيدي علان كذلك الزيارات الشركية أنهم ils se déplacent ils voyagent pour rendre visite à leur sada, à des morts. كذلك ils exagèrent. بعضهم يركع. بعضهم ils font soujoud quand ils arrivent devant le mausolée. بعضهم ils se prosternent devant le shir, ils lui embrassent les pieds. هذا معروف عن الصوفية. كذلك الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى ils sacrifient pour autre qu'Allah. ما يقع في بعض الأضرحة في بعض البلدان. Que ce soit عند قبر البدوي أو التجاني أو أطخ من الصوفية معروف عند كثير من الناس عيدا بالله celui qui a déjà vu des images de هذا كأنهم يسون في الحج كأنهم يسون en état d'ihram et خوف. Tu vois la crainte sur leur visage. Et بعضهم عبادات واضحة من حلق الرأس. Ils se rasent la tête et ils ont leur bête معهم. Ils la sacrifient والسجود والركوع. Tout ça pour un mort عيدا بالله. مشركون في العبادة. مساكين les victimes de هؤلاء c'est العوام. بعضهم لا يدري عن هذا الشيء أن يpense que c'est الدين. C'est pour ça que c'est important de montrer à هؤلاء أن هذا c'est pas دين الرسول. هذا c'est du كفر, c'est du شرك. Ça c'est دين كفر قريش عيدا بالله. نحن on doit leur montrer بالتي هي أحسن et surtout بعلم. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette hujja. Annahum, c'est des awliya. Annahum, on leur demande, nahnu faqat, on sait que c'est Allah azza wa jal qui mérite l'adoration, lakin hum, ils sont aimés inda Allah, c'est des awliya. Et tout ça, yadam billah, la yinfa'. Ça, c'est hujja de jami' al-mushrikin. Et celui qui veut détailler ce point, et on l'a détaillé ensemble, fa fi kitab kashf al-shubuhat, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi. Wa kadhalik, tathayr al-i'tiqad, l'imam الصنعاني. ومن انحرافهم كذلك الغلو وتقديس الأشخاص. الغلو في أئمتهم وتقديس الأشخاص. Ils ont une exagération, yadam billah, sur leur guide. Et ils élèvent l'ashkhas, les êtres humains, au niveau de al-rububiyya. Pas que al-uluhiyya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ. وسيأتي معنا, إن شاء الله, بعض النقولات عن هؤلاء. On va citer des passages de leur livre. Tu vas voir et tu n'auras aucun doute. أنهم ils ont dépassé اليهود والنصارى أهل الكتاب dans les garments. اسمع إلى قول القشيري في رسالته القشيرية. C'est une référence عند القوم. قال من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصي والمخالفات. Ça c'est من أجل الكرامات. الكرامة c'est les miracles. Parmi les miracles de l'Awliya, عند الصوفية, دوام التوفيق للطاعة, أي désobéit jamais. عندهم الأولياء, ils font que des obéissances, que des adorations. والعصمة, ça c'est du غلو. العصمة, c'est للأنبياء والرسل. العصمة, c'est le fait d'être infaillible, de ne pas tomber dans les garments. عياذا بالله. قال من المعاصي والمخالفات. Les deux. ويقول محمد أمين الكردي أحد الصوفية في تنوير القلوب ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله. Le comportement que le musulman doit avoir avec, comme il appelle, le murid, le sheikh, عند الصوفية, أن لا يعترض عليه فيما فعله. Tu dois pas lui dire cette chose c'est mauvais. Tout ce qu'il fait c'est bien. قال ولو كان ظاهرا حراما. Même si en apparence pour toi c'est haram. Tu n'as pas à lui dire cette chose c'est mauvais. وَلَا تَقُلْ لِمَا فَعَلَ كَذَا. Et surtout tu ne dois pas lui dire pourquoi tu fais telle chose. قال لِأَنَّ مَنْ قَالَ لِشَيْخِهِ لِمَا لَا يُفْلِحْ أَبَدًا. Celui qui dit à son cheikh mais pourquoi telle chose, فَلَا يُفْلِحْ أَبَدًا. Il réussira jamais. عِنْدَ أَصُوفِيَّ. قال فَقَدْ تَصْدُرْ مِنَ الشَّيْخ وَبَعْضَ الْأَعْمَالِ كَأَنَّهُ مَذْمُومَ فِي الظَّاهِرِ وهي محمودة في الباطن. avec هذا القول, مثل هذا التقرير, avec ce fondement qu'ils ont mis à leurs suiveurs, أن le cheikh, tu ne peux plus rien lui dire. Même si tu le vois, il boit de l'alcool, il fait zina, il vient pour mejid, il fait plus salat, il fait du kufr, فَفِي الْحَقِيقَةِ ce qu'il fait c'est du bien. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre. Vous avez remarqué que هذه التربية الحقيقة elle est propagée جدا في كثير من المسلمين. أنه باب النقد et le fait de dire que c'est un munkar ou de parler sur un tel عندهم لا, c'est من تربية الصوفية. Le cheikh il a toujours raison, c'est toi qui te trompes. فالحذر من هذا. Certaines choses c'est clair, si un musulman il se trompe, un cheikh ou un talib ou un ami, c'est une erreur, c'est une erreur. Et bien sûr on doit avoir un comportement. أما البيان فلا بد كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيته. Celui qui voit un munkar c'est un munkar, c'est un munkar. Et le cheikh ou le talib ou le ami, l'étudiant, le savant, le musulman de la masse, personne n'est à l'abri. On ne dit pas des péchés, personne n'est à l'abri de la mécréance. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé, ses prophètes, ses messagers. قال الإمام الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس إن قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام. الصوفية quand ils atteignent un certain niveau في الرياضة في التعبد le fait de délaisser الدنيا إلى آخر, في الحقيقة c'est des خرافات, c'est du كفر. Lakin عندهم quand ils ont atteint un certain niveau ils sont plus concernés par الأوامر والنواهي. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين عند أهل السنة عند أهل العلم اليقين c'est le mot. Tu dois adorer Allah jusqu'à la mort comme le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait. عندهم لا اليقين c'est une مرتبة خيالية que le shaitan il leur a fait croire أنهم ils ont atteint. Et في الحقيقة c'est une مرتبة في الكفر quand tu sors vraiment de l'islam. فعندهم نعم Tu n'es plus concerné par l'awamir ou l'nawahi, iyadan billah. Falihada ba'ad ha'oula, al-zina, al-liwat, l'homosexualité, la fornication, l'alcool, plus de salat, jami' al-kufr. Hatta ahad ha'oula qala, annahu, il faisait plus siyam. Ça c'est fikudumihim, annahu, il faisait plus siyam. Quand ils l'ont vu manger fin nahar ramadan, il a dit, amma, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné un udra moi. C'est pas la maladie ou le voyage, là, c'est annahu, il a atteint un certain niveau, il est plus concerné. Al-ibada indahum, c'est pour l'awam. C'est pour ça que mitla hadhi al-aqwal, ils ne le disent pas à leurs suiveurs. Les na'amat al-muslimin, même ceux que ta'atharu bis-soufiya, wa bit-turuq al-munharifa, ربما s'il entend le kalam, il va dire qu'il y a ça. Al-zina, c'est zina, liwat, c'est liwat, lakin, hadha, iyadan billah, c'est baynahum et ils ont du makr. Et c'est cité dans leur kutub. Lakin, akthar al-nas, il y a pas, c'est ça le mushkila. Mais celui qui lit, qui demande et il compare hadhi al-aqwal avec le Qur'an ou le sunnah, enfin, il se rendra compte directement que ha'oula dajjaloun, ashab makr, wa kaid, wa qala ou naqala al-muqbili, كأنه المقبل في العلم الشامخ أن أحدهم قيل له فما الفرق بين أختي وزوجتي واحد il a demandé à أحد هؤلاء فسيكو quand il a entendu mettre هذا الكلام أنه il n'y a plus de différence entre le halal ou le haram il n'y a rien d'interdit tout est permis pour eux enfin il leur a demandé enfin c'est quoi la différence entre ma femme et ma sœur il y a une différence عظيمة on ne dit pas عند المسلمين فقط عند العقلاء Chez les êtres sensés, il y a une différence entre ta femme et ta sœur. فَقَالَ لَا فَرْقْ عِنْدَنَا Le cheikh lui a dit, il n'y a aucune différence عِنْدَنَا لَكِنْ هَاُولَا Il parle de المسلمون خاصةً أهل السنة لَكِنْ هَاُولَا الْمَحْجُوبُونَ الْمَحْجُوبُونَ, ça vient du mot hijab. Et هَاُولَا, ils ont été voilés. Ils n'arrivent plus à comprendre. قَالُوا حَرَامِ Ils ont dit haram. فَالْحَقِقَة C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Rasoul alayhi salatu wa salam. Jami' al-muslimin, ils ont ce mu'taqad. Anna ta femme, tu peux avoir des rapports ma'aha. Et ta sœur, c'est ta sœur. Faqalu haram. Faqulna haramun alaykum. Il a répondu, vu qu'eux disent haram, c'est haram pour eux. Ay mafhum kalami, anna pour eux, c'est pas haram. Même avec sa sœur, ayyadam billah. Qawmun buht. As-soufi la aqlana. As-soufi, khasatan ar-ru'us. Et ceux qui suivent leur fondement, la aql wa la din. Ils ont perdu leur din et la raison, iyadan billah. Fa ibahatuhum li zina wal liwat wal khumur wa ghayr dhalik min al munkarat, fa ma'ruf fi kutubihim. On n'a pas le temps de tout citer. Wa min ghuluwihim fil ashkhas. Qala at-tawsi fi al-lum'a. Ra'aytu insanan min as-sufiyya makatha. Isma'a. الغلو في الأشخاص l'exagération عيادا بالله quand l'insan il suit plus le Coran ou le Sunna et même sa raison il la délaisse فقال الطوسي الهالك رأيت إنسانا من الصوفية il a vu un صوفي مكث سبع سنين لم يشرب الماء 7 ans il a pas bu d'eau لماذا ينقولون مثل هذا c'est un خداع للعوام حتى العامي il pense que هذا الصوفي هذا الشيخ ce mort أنه il avait Une chose, il avait atteint un niveau que lui, il n'a pas atteint. Et le haqiqa, ça c'est min awsaf al-rab. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy ou le qiyyum. Il ne boit pas, il ne mange pas. L'imadha li'annahu, c'est le malik. Il possède tout, il n'a pas besoin de nourriture. Fahum, le haqiqa, il donne ce genre d'awsaf à leur guide. Hatta l'ami, son cœur, il s'accroche à cette créature. Ou yushirk billah. Qala, al-shaykh Ihsan, ilahi zahir, rahmatullah alayhi, fi kitabihi dirasat, fi tasawuf, هذا الشيخ c'est un mujahid rahmatullah alayh Cheikh Ihsan et il a écrit beaucoup de livres pour montrer l'égarement de As-Soufiya et كذلك de Ar-Rafida et d'autres groupes قال نقل عن احدهم انه قال ان الشيخ بديع المتوفى سنه 840 اي ce cheikh qui est mort en 842 légère لم يذق طعاما مده 12 عاما ce cheikh il a pas mangé pendant 12 ans خرافات وكذب وفي الحقيقة si tu as compris ce qu'on a cité avant l'aqida qu'ils ont dans leur shir l'awsaf qu'ils leur donnent من الربوبية والألوهية فهذا في الحقيقة سبب بعيد عنهم لماذا لأنهم ils ont donné des awsaf صفات الربوبية à leur mashayikh enfin, le fait qu'ils disent qu'il n'a pas mangé pendant 7 ans 12 ans ou 50 ans فالحقيقة c'est pas بعيد بل ils ont dit أكثر من هذا on peut citer une قصة هنا غريبة ذكرها صاحب كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وذكر عن الرفاعي أنه قال: توفي أحد خدام الغوث الأعظم، الغوث الأعظم سي لو غيد سوبريم لو شيخ، دونك أحد خدام هذا الغوث توفي إلى مور، أي أن جون كي ترافايي بور لوي. قال: وجاءت زوجته إلى الغوث فتضرعت والتجأت إليه. لا فام de cet homme qui travaillait pour le shir, elle est venue voir le shir. لماذا؟ لأن son mari il est mort. فتضرعت والتجأت، elle lui a demandé والتضرع يدا بالله. Comme nous on demande à Allah عز وجل, elle a demandé à ce shir. وطلبت حياة زوجها. Et elle a demandé à ce shir, elle voulait que son mari il soit en vie. Il est mort et elle voulait qu'il revienne. فتوجه الغوث لمراقبة فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم. Le shir, il s'est isolé et il a vu ملك الموت en train de monter avec الأرواح. Et les âmes, les êtres humains qui sont morts ce jour-là, فملك الموت il montait dans les cieux avec toutes ces âmes. فهو il a vu هذا. فقال: يا ملك الموت قف وأعطني روح خادمي فلان. C'est des خرافات نعوذ بالله. T'as du mal à finir quand tu limites لهذا. Il lui a dit: يا ملك الموت donne-moi l'âme de فلان. Et العجيب أن c'est cité dans leur كتب. Et tu trouves le بعض يقرأ هذا. نحن ربما nous amuse quand on lit. أما هم لا. Pour eux c'est vraiment le شيخ il a atteint ce niveau. فقال ملك الموت إني أقبض الأرواح بأمر إلهي. ملك الموت لها répondu أنه يقبض الأرواح بأمر الإله. فقال له الشيخ، فكرر الغوث عليه عطاءه روح خادمه. إلى insisté il lui a dit الآن tu me rends l'âme de mon خادم et celui qui travaille pour moi. لماذا؟ لأن sa femme elle demande. فامتنع من إعطائه وفي يده ظرف معنوي كهيهة الزنبيل. أي أن ملك الموت il avait comme un sac زنبيل et toutes les âmes elles étaient dedans et ملك الموت il voulait pas lui rendre cette âme. قال فبقوة المحبوبية جر الزنبيل وأخذه. الشيخ il a réussi à prendre le sac où il y avait toutes les âmes بيده فتفرقت الأرواح ورجعت إلى أبدانها. Quand il a repris le sac toutes les âmes elles sont sorties et chaque âme elle est revenue dans le corps. Tous ces êtres humains ils sont redevenus vivants. قال فناجى ملك الموت ربه. ملك الموت il a demandé à Allah عز وجل: يا رب أنت أعلم بما جرى بيني وبين محبوبك ووليك عبد القادر. فملك الموت il a dit à Allah عز وجل على قول هؤلاء الكذابين أن tu sais ce qui s'est passé entre moi et ton wali عبد القادر. قال فخاطبته فخاطبه الحق عز وجل. أي الله عز وجل لا répondu à ملك الموت: يا ملك الموت إن الغوث الأعظم محبوبي ومطلوبي لما لم تعطيه الروح خادمة. أي الله سبحانه وتعالى il a dit à ملك الموت pourquoi tu lui as pas obéi, tu lui as pas rendu son âme, أي l'âme de son خادم. قال وقد راحت الأرواح الكثيرة من قبضتك بسبب روح واحد فتندم هذا الوقت. أي ملك الموت لا أجرته. وتأملوا قولهم أن الله عز وجل قال وقد راحت الأرواح الكثيرة. أي بوكو دامل سون غيوسي عسي شابي إلى آخره. نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى سي العليم سي الخبير. Et quand tu n'as mal meurt, fa elle meurt. خرافات. Et tu trouves ربما واحد il est adulte. Il travaille, il a femme, enfant. ربما il a un certain niveau. يعني il a un certain rang social إلى آخره. ويؤمن بهذه الخرافات. السنة هي النعمة. نحن quand on lit هذا ça peut nous faire sourire. كذلك ça nous rend triste. Il y en a بعض المسلمين ils sont tombés dans cet égarement et لابد on doit se rappeler نعمة السنة. Tu lis صحيح البخاري, tu lis صحيح مسلم, قبل ذلك tu lis le Coran, tu lis كتب الأئمة تستفيد et الحمد لله tu profites, tu essayes de faire profiter les autres. أما هذا الضياع c'est du كفر عيادا بالله. فصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو أن رجلا تصوف لو أن رجلا تصوف si un homme il rentre dans le soufisme من أول النهار au début de la journée le matin, لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. S'il rentre dans le soufisme le matin, au dhuhr, si tu viens à parler avec lui, tu le trouveras nahu sa ahmaq. Il a perdu la raison. لماذا لأن مثل هذه الخرافات. Comme أنت tu lis Siyar A'lam al-Nubala, tu lis Al-Bidaya wal-Nihaya, tu lis Kutub al-Tarajim de Al-Hafid ibn Hajar, de Al-Imam ibn Abd al-Bar, il a akhiri, et tastafid Tarajim al-Sahaba radiyallahu anhum wa a'immat al-Salaf, et tu profites dans beaucoup de choses. Fahaula, il lise مثل هذه الخرافات. كفر وزندقة ومن et c'est le dernier point أو un des derniers points من انحرافهم الرقص والغناء الحقيقة après tout ce qu'on a cité comme égarement parce qu'on va citer الآن فلا شيء par rapport à ce qu'on a vu الرقص والغناء أي يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالرقص والغناء الرقص c'est danser والغناء c'est chanter وللأسف هذا في المساجد قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الصوفية دينهم الغناء والمزامير والرقص leur دين est fondé sur هذا وبعض المقاطع qui sont propagées à notre époque أنهم يدانس عيدا بالله في المساجد يدانس أحيانا c'est mixte et avec des أذكار مبتدعة et pendant des heures que ce soit في الموالد أو autre et c'est devenu leur دين أما الرقص والغناء والمزامير سحرام دون notre الدين أوكان دود دي أحاديث كلار دي بروفيت عليه الصلاة والسلام وكذلك يتعبدون لله عز وجل بالبدع والخرافات والمحدثات الموالد ونا ديجا اكسبيكي والله الحمد سكي فون بضان المولد النبوي وأطر كذلك الأذكار كي غيسيت ان غروب عيادا بالله بعضهم يفون بلو الأذكار المشروعة لا يديس كل أفضل جلالة الله الله سأسبا نذكر المشروع لأن لفظ الجلالة فكس ويضاف إلى صفة محمودة مثلا أو إلى معنى طيبة مثلا تدي الحمد لله أو تدي سبحان الله أو تدي لا حول ولا قوة إلا بالله أما الله الله كوا obligé de rajouter quelque chose بل بعضهم يديز من plus الله يديز فقط هو ils ont écrit des livres في هذا et tu les vois tu les entends dans certains مساجد أنهم عيادا بالله ترتفع أصواتهم كأنها نباح الكلاب صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام البيهقي لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربعة خصال الصوفي quand ça devient un صوفي il a quatre caractéristiques كسول أكول نؤوم كثير الفضول C'est pour ça que كثيرون من الناس تأثروا بهذا المذهب. الآن c'est devenu des mawalids avec de la nourriture, des fêtes qu'ils organisent مبتدعه pour fêter la naissance d'un tel ou un tel. ثم أذكار. Aucune عناية avec العلم, la science, rechercher la science. لماذا لأن ça demande des efforts. فقط la nourriture et الأذكار ils se rassemblent, ils récitent pendant une heure, une demi-heure, ثم ils mangent. C'est devenu هذا leur دين. كسول أكل نوم كثير الفضول كذلك النوم contrairement الأولون qui étaient vraiment sincères et qui ont fait des efforts ils ont délaissé le sommeil la nourriture pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas le droit de contredire la voix du prophète عليه الصلاة والسلام حتى بهذا أما هؤلاء même ces choses ils les ont plus دين الصوفية الآن il est fondé sur le mensonge ou le kufr sur le mensonge et la mécréance فانتبه و avant de conclure on peut citer كذلك علاقة الصوفية بأعداء الله عز وجل أي le lien entre الصوفية et les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى أما علاقتهم بالرافضة الزنادقة فقديمة أنهم ils sont très très proches de الروافض ce qui les a rapprochés c'est le كفر والغلو في أهل البيت والشرك نعم Ils ont les mêmes fondements dans la mécréance, dans le fait d'exagérer sur certaines personnes et l'akhir. Et Amru al-Hallaj, fataqaddam ma'ana. Al-Hallaj, c'était un batini, un rafidi, un khabith. Et كذلك, il était dans هذا المذهب البطال الصوفية. وأما تعاونهم مع المستعمرين في البلدان الإسلامية Et ils étaient connus pour هذا. أنهم, ils ont été la cause أن الكفار que ce soit les Français ou autres, ou les Anglais, ils ont colonisé beaucoup de pays musulmans. قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه كما في آثار البشير الإبراهيمي المجلد الرابع قال رحمة الله عليه ابحثوا عن تاريخ الاستعمار العام واستقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب. قال celui qui fait des recherches dans les livres d'histoire et كذلك qui recherche la cause pourquoi les kuffars ils ont envahi les pays musulmans et quelles armes ils ont utilisées pour pouvoir prendre le dessus sur les musulmans. قال تجد أفتكها في استعمال هذا النوع يسمى الذي يسمى بالطرق الصوفية. C'était l'arme la plus importante qu'ils ont utilisée pour combattre les musulmans, c'est الصوفية. C'est les soufis. قال فإن الاستعمار الفرنسي مارست قواعده في الجزائر وفي شمال افريقيا ان الجزائر و المغرب وكذلك ان افريقيا على العموم الا على طريق الصوفيه وبواسطتها ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف اي لا démontrer ce qui s'est passé en Algérie et كذلك au Maghreb Maroc Tunisie Égypte et كذلك en Afrique فالسبب ان الكفار تمكنوا انهم ils ont réussi à rentrer. Une des causes, c'était As-Soufiyya. Ils avaient un lien avec Mashaykh As-Soufiyya et ils leur ouvraient les portes. Qala qaid askari fransi, un chef militaire français, qala inna kasb shaykh tariq soufiyya anfa'lana min tajhiz jaysh kamel. Hakada. Ta'alamoun anna al-kuffar, avant d'attaquer, yukhattitoun. Ils ne foncent pas, hakada. Ils ont analysé ces bouledins et ils ont remarqué que si tu arrives à avoir de ton côté un cheikh min mashaykh al-turuq as-sufiyya, c'est plus important qu'une armée complète. لماذا لأنه الخبيث va faciliter le kuffar de rentrer et va montrer aux musulmans de ne pas combattre il a akhir comme il s'est passé. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Et ma'a hadha fa 'aduwwuhum al-akbar الصوفية أهل السنة خاصة سكيز أبل الوهابية فمكنوا للاستعمار et ils ont aidé les colonisateurs et ils se sont mis des côtés de كفار حتى ذكروا أن من رؤوس العساكر الكفرة كم نابوليون وأوت أنهم كانوا يحضرون الموالد en Égypte et autres. الكافر المجرم من رؤوس الكفار أي les têtes de leur guide militaire أنهم ils assistaient aux mawalid et ils mangeaient avec الصوفية إلى آخره والمسلمون مساكين ils faisaient des efforts pour les repousser et مع هذا فعدوهم الأكبر كما يقولون الوهابية. لماذا؟ لأن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب c'est دعوة التوحيد. شيخ الإسلام رحمة الله عليه c'est sa descendance, ses élèves إلى يومنا هذا مشايخ الدعوة السلفية يكمبات الخرافات يكمبات الشرك يدن دو الامبورتنس توحيد الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة فلهذا هؤلاء يبغضونهم. أما رابخوشي les colonisateurs français c'était des chrétiens كفرة مجرمون et ce qu'ils ont fait à certains pays musulmans الصوفية معروف. فنكتفي بهذا الخاتمة هذه الحقائق التي ذكرناها سكوميان دي سيتي فسي موجود في كتبهم فلا تغتر et ça c'est un point important بصوفية عصرنا الذين يقولون أن الصوفيسم c'est pas ça. بعضهم ils essayent de différencier, ils disent là لأنهم ils savent que هذا c'est حق, c'est dans leur livre. بعضهم ils disent là الصوفية aujourd'hui c'est la spiritualité, c'est le bon comportement, tout ça c'est du كذب. احذر الصوفية يستعملون التقية كما يستعملها الرافضة فهم إخوان الرافضة c'est les frères des روافض يستعملون التقية quand ils voient que العوام ils vont rejeter هذه الأقوال إلى آخر فيقولون أن لا نحن on n'est pas comme ça, on a changé, tout ça c'est du كذب. الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه في كتابه هذه الصوفية قال الصوفية المعاصرة تدين بما دان به سلفها كابن عربي وابن الفارض وعبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه son livre c'est une référence هذه هي الصوفية c'est une référence et كان يعرف يعرف القوم il connaissait مكر هؤلاء فإلى montré أن les صوفي d'aujourd'hui ils sont à la دين leurs prédécesseurs ابن عربي autre قال وفي ذلك كله برهان على أن الصوفية المعاصرة امتداد طويل عريض عميق لدين ابن عربي والشعراني الشعراني لان كتاب في كرامة الأولياء سي لي خرافات كنا سيتي إلى سيتي أن واحد إلى فانسيون أنه كانت مرة إلى أغيبي دان سا فيل et à l'époque les villes à la rentrée avaient des immenses portes. Et à la tombée de la nuit, les portes, elles étaient fermées, tu ne pouvais plus pénétrer dans la ville. Enfin, il l'appelait Al-Waqaf, et celui qui arrête. Les mains, il est arrivé en retard, et au coucher du soleil, il fermait la porte, il a dit au soleil de s'arrêter. C'est pour ça qu'il l'appelait Al-Waqaf. قَالَ لِشَمْسْ قِفِي أو قِفْ Et le soleil s'est arrêté, et ouais, il a eu le temps de venir. Quand il est rentré dans la ville, le soleil a repris... Il a repris son cheminement. Iyad billah. Hada al-Sha'rani. Et toutes les histoires qu'on a citées, فيما يتعلق به, les awsaf qui donnent à leur shaykh min al-Rububiyya. Wa su'ila al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah an taqsim al-Sufiyya ila Sufiyya mahmuda wa madhmuma. Fa ajaba waffaqahullah hada al-taqsim batil. Al-Sufiyya kulluha madhmuma. Wa laysa hunak tasawuf mahmud. Li'annahu bid'atun wa kullu bid'atin dalala. Ce qui essaye de différencier, de dire, il y a un mauvais soufisme. C'est ce qu'on a cité. Et il y a un bon soufisme, c'est le bon comportement. Il a akhiré. As-soufiyya, c'est de l'égarement. L'achèque, celui qui ne croit pas à ses égarements, on ne va pas dire qu'il est comme Ibn Arabi. Lakin, le fait de se dire soufi, c'est de l'égarement, on n'a pas le droit. Et si tu ne crois pas à leur fondement, fadele sahada. Vous avez remarqué que ha'oula yantakidon kathiran ala salafiyin. Pourquoi ils disent salafi? Tu l'entends souvent, hada. Pourquoi vous dites salafi? Tu dis muslim. Pourquoi tu dis... la salafia, nous notre dîne c'est l'islam, il n'y avait pas ces noms. Inda soufia, t'entends pas Haoula dire pourquoi vous dites soufia? Alors que nous on dit là, soufia c'est l'égarement et at-tasmiya c'est l'égarement. Et salafia c'est dinullahi subhanahu wa ta'ala al-haq. La salafia c'est nisba ila salaf. Et salaf c'est les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Et nous c'est pas une appellation à un vêtement ou à une personne là. Salaf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amr au Nabi. بمحبتهم واتباعهم إلى آخره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان بل الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع هؤلاء فالحذر الحذر من الصوفية وكثير من هؤلاء أنهم يقولون أنهم صوفي لكن باكم سدو الإكستخيم ويكمونس بار لو بون كومبورتمون إلى آخره ثم يتومب أن جور سور لي ليف دبن عربي أو الشعراني أو النبهاني وأطخ من هؤلاء الزنادقة عيدا بالله ينحرفون المراجع celui qui veut détailler في الحقيقة on a résumé جدا وإلا chaque point في الحقيقة ça demande une كلمة لكن الوقت اللي ضيق et le but de cette série sur les sectes c'est d'avoir un aperçu de chaque secte avec des fondements qu'ils ont خالف des fondements qu'ils ont délaissés Ah oui, ils se sont égarés dans certains fondements. Et kadhalik, d'avoir les références. Et anta, en tant que sunni, anaka tu aimes l'haq, anaka tu aimes l'ilm, tu as la référence, c'est celui qui veut détailler akhtar, approfondir le sujet. Alhamdulillah, il revient au livre de A'immat al-Islam. Parmi les références, Talbis Iblis, de l'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi. Wa kadhalik, Masra' al-Tasawuf, l'Il-Biqa'i. C'est un kitab tayyib. Wa kadhalik, hadhihi al-Sufiyya, l'Sheikh Abdurrahman al-Wakil. وكذلك كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير إلى إكري plusieurs livres sur la soufia فهذه المراجع بإذن الله عز وجل tu trouveras les paroles qu'on a citées et d'autres paroles plus détaillées وبهذا انتهينا من الفرق القديمة avec ce درس sur la soufia on a fini l'étude des sectes anciennes et on peut récapituler on avait commencé par Al-Khawarij ثم on avait fait sur الرافضة on avait fait le خوارج ثم الرافضة للشيط ثم بعد ذلك on avait fait القدرية والجبرية ensemble et deux sectes qui se sont égarés dans le destin ثم المرجئة, ils se sont égarés dans باب الإيمان. ثم بعد المرجئة, on avait commencé l'étude de al-Jahmiyya. Et هؤلاء, ils se sont égarés dans plusieurs fondements, dans les noms et attributs autres. ثم après al-Jahmiyya, on avait fait al-Mu'tazila. ثم après al-Mu'tazila, on avait étudié ensemble al-Ash'ira. دائماً l'égarement sur les noms et les attributs. Et aujourd'hui, wallahi alhamd, on a fini l'étude de al-Sufiyya. هذه c'est usul al-firaq. Surtout les premières. Toutes les sectes qui viennent après, مثلاً al-Sufiyya, ils ont pris l'égarement de al-Jahmiyya, de al-Rafida, de beaucoup de sectes avant eux. Ils ont rajouté des choses. فبهذا on a fini les sectes anciennes. Et à partir du prochain cours, ونسأل الله عز وجل التوفيق, on commencera l'étude des sectes contemporaines. On essaiera de commencer avec Tijaniya. لماذا لأن c'est une confrérie du soufisme. À Sufiyya, il y a plusieurs turuq, des confréries ils appellent. Et avec un shir, et ils ont des choses spécifiques à eux. Et nous, on n'étudiera pas ces turuq. Al-Qadiriya, Naqshbandiya, ila akhiri. Lakin, on peut en étudier une. لماذا elle a répondu كثيراً. Et c'est une secte contemporaine. Enfin, si on peut commencer par Tijaniya, Fatayyib, on essaiera كذلك d'étudier ensemble la secte des Ikhwan, bien sûr. Al-Ikhwan, al-Muslimoun, al-Dhullal, wa Jama'at al-Tabligh, wa al-Qur'ani.